Bonjour monsieur, je peux vous aider ? Oui, je viens de chez le médecin, voici mon ordonnance. Merci. Alors, une boîte d'antibiotiques, 2 tubes d'aspirine, 1 bouteille de sirop contre le mal de gorge et du spray pour le nez. Oh là là, vous avez un mauvais rhume, vous ? Ouais, c'est ça. Vous avez une assurance maladie, monsieur ? Oui. Tenez, voici ma carte vitale. Merci. Ça fait 3,50€, s'il vous plaît. Achou !